say, do they pay? Tata Winnie, toute la journée, se poigner le nez, faire vivre l'industrie du houblon, se fertiliser le bedon, se faire promener par son chien, consoler les oiseaux déprimés avec du pain, niaiser tout l'été, gosser à partir du mois de mai, se laisser picoser, poigner la maladie du hamburger, imaginer les cochonneries avec sa belle-sœur, se faire cuire quelque chose de mou sur son barbecue. Montrer son bikini sur la galerie, faire le tour du pays en Bermuda, dans la circulation rester pris, se noyer dans son spa. Tout l'été, séjourner à la variété, se regarder mouiller, écouter des vieilles nouvelles à la télé, pester contre la canicule qui nous fait suer, se laisser déguster par les mouches, s'obliger à rester sur la touche. Faire une parade de mode en vélo, cruiser en patin à roues alignées, distribuer des flatulences en moto, s'habiller en comble et cravate et pique-niquer. Non, c'est un peu, laisse-moi bien.